Servir ses maîtres, on fait plus semblant, oui, missier, oui, missier. En début de grandement, je vais m'immiscer, je suis initié. Fonder du rendement, qui sait, est-il, c'est de l'affront et du changement. Danse plein, mais glissé, mais toujours le même qui parle. Le même qui parle, toujours le même qui flatte pour me diviser. Tous les jours, je mange des pâtes et je prends des claques. Tous les jours, je sais qu'il se croit que je n'en peux déguiser et c'est toujours le même. Toujours le même, pour jouer, putain de fou, la merde, mais c'est hors de question. Mais même en hyper ventilation, ma mâche gueule avec même. Il faut que je fasse une pause. Ma lucidité est partielle. Même si quand je lâche une pause, c'est de l'amour que je parcelle. Ma vie n'est pas tout rose. Je traîne souvent du côté pastel. Du coup, mon rap c'est du blues. Un peu comme QSI au casse. Si ça va durer plus de 6 mois, tu fous mon esprit, je deviens fou. Je te vois, continue, je t'en prie, dans tes filets, je suis pris, mais c'est la panique. Automatiquement, c'est la chaleur, c'est magique, mais j'en vois de toutes les couleurs. J'essaie des tactiques, je m'applique. Tu pars avant 10h, je pars flegmatique, mais ça pique à l'intérieur. Tu veux que je te cours après? Hors de question, je suis pas très court, ça pied, tu sais. Ni marathon, on a passé des bons moments, ils resteront nôtres, mais si c'est non, temporairement, je veux pas de la femme d'un autre. Trop d'estime pour ma personne, pour les femmes fragiles, pour l'amour que je donne. Ne sois pas fertile, l'espérateur que je suis, ne crois pas aux causes perdues, mais à du vécu. Tu veux vraiment organiser ta vie, ouais. Tu veux vraiment organiser ta vie avant. mais c'est plus fatigant qu'on ne croit. Il faut se cacher, pas de projet de mioche. Et puis dans les rues bien marcher, sous peine d'être amoché. Mais quand les sentiments s'enflamment, alors si t'arrives à rester sur la voie, te perturber, t'as besoin que l'on t'aime. Tu sais, tu te fais entuber, mais tu y vas quand même. Être l'amant d'une belle femme, c'est bien, mais c'est plus fatigant qu'on ne croit. Il faut se cacher, pas de projet de mioche. Et puis dans les rues bien marcher, sous peine d'être amoché. Mais quand les sentiments s'enflamment, maintenant si t'arrives à rester sur la voie, te perturber, t'as besoin que l'on t'aime. Tu sais, tu te fais entuber, mais tu y vas quand même. Et je me pose là, lâchant mes textes dans les ruelles ou à la maison, en chaussons, même dans la garrigue, ouais, c'est ça qui est bon. Moi, quand le son m'irrigue, je deviens un lion dans la savane, pas dans un zoo, un poisson dans l'eau, un requin. Je suis marteau, toi t'es le clou, pas celui du spectacle, désolé, tu passeras pas à la télé. Non, mais t'as vu comment télé, moi j'écris des phrases affûtées comme des sabres japonais de Python, où Jolly Jumper était des japonais, des rimes qui font planer, qui te font que t'étonner depuis le temps où ta grande sœur mangeait du poisson pané, big up à Ox. Qui font s'éclairer la vie des panes, je débarque. Avec mes mots, j'ai même pas besoin de votre épanne. Je suis déjà dans le cerveau. Soyez pas fan et respectez Bilbo. De toute façon, on va tout scanner. Moi, je peux te scanner. Même te fax, c'est mon son, mais c'est fat. Toi, c'est maigre, faut pas déconner. Faut pas déconner. Moi, je rappelle pour le fun, pour le kiff, pour le goût. Yeah, je rappelle pour le goût, pour le fun, pour le kiff. Si c'est festif, je rappe pour le kiff, pour le goût, pour le goût, pour les cramés qui quand tu te couches sont toujours debout. Je rappe pour le goût, pour le kiff, pour le fun, je t'éblouis, chauffe tes oreilles comme le seum. Tu m'as compris, je rappe parce qu'il me le faut surtout, si toi aussi, bouge tes cheveux, vas-y donne tout. Vas-y donne tout. Je check le micro et je suis là, je peux t'opiner. bande dessinée. Je pèse les mots comme 13 les faux. Donc prépare-toi à halluciner. Tu fais ce dégo, non, c'est du ciné. Tu check tes gros et la ferme avec ta dulcine. Je teste mes bros, non mais tout c'est faux. Je te pète les os. Au numéro perso du kiné. Parce que je vais t'exterminer. T'as fait du point de ruine. T'as mangé 200 en boîte et tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les flots. C'est léger de gros, j'ai fait des shows. Moi je suis calciné. Sévère, vas-y calme-toi, pépère. On va te faire le son et la lumière, le goût et les couleurs, des vertes et des pas mûres. Dépasse les 20 km/h si tu es en voiture, mais vas-y bouge. Tu vas moins vite que les crevisses, t'as les jours rouges. Pourtant, c'est le soleil ou le pastis. Bienvenue là où il faut. Bande de touristes, j'habite 8440. Pas du tout triste, au contraire, smiler. Les fabricants de rimes, faut se lever de bonheur et arrêter la frime. Car ma présence c'est comme un bowling dans un palais des glaces incongru. Et c'est un mot chelou incongru. Un peu comme un type chauve avec le menton dru pour un qui ne parle que beach, free, street, credibility. Tu sais un condru, moi je réfléchis dans les champs. Rêve en aidant les gens, des fois je suis dangereux, c'est vrai. Mais moi je suis pas méchant, juste fâché, yo. Un peu fâché. De savoir que pour un sachet de weed on peut t'attacher. Thank you.